Votre sélection débutera après cette publicité. Au Québec, les rassemblements extérieurs à la maison de 10 personnes maximum sont maintenant autorisés. Gardez en tête que les mesures comme se tenir à 2 mètres, se laver les mains et tousser dans son coude s'appliquent toujours. Malgré le temps chaud, il faut garder la tête froide, car le virus est toujours présent. Planifiez vos rassemblements de manière sécuritaire. Par exemple, pensez à nettoyer les surfaces communes et à identifier verres et assiettes. Ensemble, on peut tenir tête au virus. On lâche pas, on continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec. 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la guerre du Darfour. C'est la visite d'une délégation des Nations Unies qui nous permet de vous montrer ces images du Darfour, situé à la frontière ouest du Soudan et du Tchad. En tout cas, ce responsable de l'ONU ne mâche pas ses mots. The number probably exceeds a million. An extraordinary thing. People are severely at risk without nutrition, have health problems. Plusieurs organismes humanitaires accusent le gouvernement soudanais de se livrer à un nettoyage ethnique. Il s'agit d'une milice pro-gouvernementale arabe, les Janjaweed, qui attaque systématiquement les villages, forçant la population noire à se réfugier dans des camps des Nations Unies ou dans le Tchad voisin. Bernard de Rome, au téléjournal du 4 mai 2004. Au milieu des années 2000, la guerre civile au Darfour va provoquer une crise humanitaire aiguë, en plus de conduire aux pires atrocités. L'ONU va même finir par parler carrément de nettoyage ethnique et de génocide. On estime que cette guerre a fait environ 300 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Le journaliste Sylvain Desjardins s'est rendu au Darfour à l'automne 2005 et à l'hiver 2007. Il a accepté de participer à notre série d'émissions spéciales où des collègues de Radio-Canada viennent nous parler de sujets qu'ils connaissent bien, qu'ils ont parfois carrément couvert. Sylvain Desjardins, bonjour. Bonjour, Jacques. Vous avez fait des reportages dans différentes zones de guerre. Sylvain Desjardins, vous êtes allé au Kosovo, en Afghanistan, 4 fois, si ma mémoire est bonne, oui. En République démocratique du Congo, en Irak. Bref, vous connaissez ces zones de guerre. De quelle manière se compare ce que vous avez vu au Darfour avec les autres conflits armés que vous avez couverts? Très bonne question parce que, en fait, chaque scène de guerre a ses particularités. C'est très difficile de les comparer. Mais c'est vrai que celle-là m'a fait une très, très forte impression. D'abord, par son aspect général, c'est-à-dire le territoire aride, le climat sec, mais extrêmement chaud, les conditions de vie rudimentaires et, peut-être de manière générale, c'est ça, le caractère hostile de la situation, où il y avait énormément de tensions, ouais, énormément de pression, de stress ambiant. Et on est dans une particularité, je dirais, on n'est pas dans la grande guerre. On est dans une guerre terrible, au fond, parce qu'on tue les gens un par un. Ouais. Ce n'est pas une guerre de bombes ou d'attaques aériennes. C'est une guerre... De terrain, mais ouais, vraiment au ras-le-sol. Ras-le-sol avec des petits outils rudimentaires. Ouais. On entre dans les villages, on tue les gens un par un. C'est atroce et ça crée une espèce de tension partout. Il y a ça, puis il y a le fait aussi que là, on est dans une situation aussi très particulière où c'est le gouvernement qui terrorise une partie de sa population. Ouais. Ça aussi, ça teinte énormément, comment dire, le climat qui fait que nous, en arrivant là, on s'insère dans quelque chose qui est vraiment incertain, vraiment différent, où il n'y a pas de zone, il n'y a pas de limite, il n'y a pas rien de très, très clair. Et nous-mêmes, on est très mal accueillis, d'ailleurs. Ouais. Avant de poursuivre dans ce que vous allez voir et dans ce que vous ferez comme couverture, un petit mot sur le contexte, en fait, qui va mener à cette guerre-là, Sylvain Desjardins. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur à cette guerre du Darfour qui commence? Toute chose étant relative, là, mais en tout cas, cette période dont on va parler avec vous, elle commence en 2003. Voilà, 2003, février 2003, c'est le moment qui est la date de référence, si on veut, où se sont produits quelques attaques, une en particulier. Alors, on est au Darfour, donc, en gros, des groupes rebelles, des gens qui sont des espèces de revendicateurs un peu autonomistes, prennent les armes et s'attaquent aux troupes gouvernementales qui sont stationnées sur le territoire. Et là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un contexte plus large où le Soudan sort d'une guerre de 20 ans, où il y a eu 2 millions de morts. Et donc, une guerre épouvantable qui a usé tout le monde. Et là, on arrive au terme de cette guerre-là où le Sud et le Nord, sans se réconcilier, établissent comment dire, une sorte de pacte. Ouais. Et puis, le Darfour est complètement laissé de côté. Et ce qu'il faut comprendre dans ces attaques qui sont faites par les groupes rebelles, c'est qu'au fond, c'est l'aboutissement d'une frustration accumulée de très longue date où ce territoire du Darfour est laissé pour compte, est laissé de côté par le gouvernement central, par même aussi la partie sud du pays qui, théoriquement, serait plus sympathique au Darfour parce qu'il y a plus d'Africains subsahariens alors que le nord est dirigé par des Arabes. C'est la grande histoire, hein, la toile de fond de tout ça. Ouais. Et donc, on est dans un contexte où le Darfour, les gens du Darfour qui sont des militants, il y a des partis politiques qui sont autonomistes, voient qu'ils n'ont encore une fois pas leur place dans le grand plan de réconciliation. Et il y a du pétrole au centre de ce pays, et puis ils n'auront pas accès à la rente pétrolière. Donc, c'est un peu cette frustration-là qui est exprimée par des petites attaques contre l'armée. Et là, donc, février 2003, l'armée soudanaise décide, ou le gouvernement même, décide de répliquer, mais répliquer d'une manière atroce, c'est-à-dire qu'ils vont employer des milices locales, des milices arabes. Quand on avait en ouverture la mention de Bernard de Rome qui parlait des Janjaweed, c'est ça? Je veux dire, en gros, des cavaliers. Donc, fait appel à des milices qui vont terroriser ces gens, rentrer dans les villages et tout balayer sur leur passage, tuer les hommes, bien sûr, parce qu'ils peuvent être des combattants, violer les femmes, raser, tout brûler, et tout piller. Donc, c'est ça un peu qui se passe. C'est ça le contexte de cette guerre au Darfour. Et qui sont les différents clans ou qui s'affrontent dans ce conflit-là? Essentiellement ceux-là, c'est-à-dire des partis politiques qui ont développé des bras armés. Alors, on a un groupe qui s'appelle le SLA, qui deviendra le SLM, et puis le GEM. C'est des groupes politiques qui sont assez proches les uns des autres, qui sont en général des gens qui sont des représentants de ces tribus locales africaines bien implantées depuis toujours, noires. Ouais. Et de l'autre côté, on a ces milices arabes. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le Soudan est un peu à cheval sur cette zone de démarcation un peu flou en Afrique, entre le Nord, le Maghreb arabe et l'Afrique subsaharienne. Donc, on parle d'Arabes et d'Africains, mais au fond, ce sont tous des Africains qui sont souvent, d'ailleurs, qui se ressemblent énormément, d'ailleurs. Okay. Très difficile de les distinguer. Mais en tout cas, il y a ça, il y a cette espèce d'hostilité, de rivalité ethnique qui existe depuis très longtemps, mais qui a toujours été, en fait, vécu à une très petite échelle, des petites hostilités ethniques. Ouais. Mais rien de jamais de très grave. Et des populations terrorisées par un gouvernement ou terrorisées simplement pour créer le chaos, ils n'ont jamais connu ça. C'est vous qui, malgré tout, malgré déjà ce contexte, ce portrait que vous êtes en train de tisser pour nous, Sylvain Desjardins, c'est vous qui dites, youhou, il faut qu'on aille là-bas. Vous insistez pour couvrir ce conflit-là. Pourquoi? Bien, c'est ça. C'est que, en fait, on est dans un contexte. Moi, j'ai commencé, vous l'avez dit, à couvrir des guerres 5 ou 6 ans avant. Et puis, ce conflit-là éclate au moment où on est pris. Il faut dire, on est en 2004. Moi, je commence à demander au patron ici, à Radio-Canada, d'aller au Darfour. Et puis, leur première réaction, c'est de dire, bien, il y a vraiment des enjeux de sécurité importants. Donc, on ne sera pas nécessairement capable d'assurer ta sécurité. On ne veut pas nécessairement t'envoyer. Moi, j'insiste. En fait, on est en 2004. Il y a aussi les élections américaines qui vont réélire George Bush. Il y a le tsunami en Indonésie qui nous occupe énormément, tout ça. Et puis, les patrons remettent ça un peu plus tard. Et moi, j'arrive avec cette idée l'automne suivant avec un collègue de CBC, donc de la radio anglaise, qui fait un peu le même boulot que moi, d'organiser un voyage à deux où on irait, parce qu'à la radio, on voyage seul, où on irait à deux cette fois et où on pourrait faire des reportages autant pour le côté anglais que le côté français de la boîte. Ouais. Et puis c'est ça qui finalement est accepté en 2004. Ouais. Alors j'y vais avec mon collègue Bruce Edwards, avec qui j'ai voyagé à quelques reprises, et avec qui j'irai les deux fois. Oui, en 2005 et en 2007. Voilà. Quand vous arrivez pour une première fois en septembre 2005, il en est où, ce fameux conflit au Darfour? Il est déjà très avancé parce que, bon, on parlait de... Tout à l'heure, dans l'extrait, on entendait qu'on faisait référence à 1 million de personnes déplacées. Là, on est presque à 2 millions de personnes déplacées déjà. Il y a probablement plus de 100 000 morts. On sait aujourd'hui qu'il y en aura 300 000, mais à cette époque-là, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que, bon, la situation est chaotique. Mm. Et donc, on débarque là-dedans, nous, au moment où il y avait eu une sorte d'accord de cessez-le-feu qui n'a jamais été respecté, mais où on s'est entendu sur la présence d'une troupe, d'une force d'interposition, une force de maintien de la paix, qui serait pour une première fois une force de l'Union africaine. Mm-hmm. Donc, comme un peu ce à quoi on s'attend des casques bleus des Nations unies, mais cette fois menée donc par des troupes africaines dirigées par l'Union africaine, qui est une sorte de regroupement des pays africains, une sorte des Nations unies à l'échelle africaine, qui donc envoie des troupes sur place et qui envoie 7000 soldats qui n'arriveront pas à faire respecter le cessez-le-feu. Il ne sera jamais respecté. Et puis, il y aura pendant cette période, puisqu'ils n'y arrivent pas à accomplir leur tâche, une intervention des Nations unies pour dire il y a des crimes contre l'humanité là, déjà, et on décrète un embargo sur la vente d'armes au Soudan. Donc une pression internationale c'est qui ça. Commence à s'exercer. On est dans ce contexte-là. À ce moment-là. Évidemment, ça, ce genre de couverture, ça implique des difficultés très, très concrètes. Comment ça se passe? On le voyait un peu, là, cette espèce de no man's land dont vous nous parliez au début de l'émission. Mm. C'est ça, votre réalité. Comment s'organise votre couverture au quotidien? Bon, d'abord, il faut dire que pour arriver au Soudan, ça prend un visa. Mais une fois arrivé au Soudan, dans la capitale, Khartoum, on n'est pas arrivé au Darfour encore. Et pour arriver au Darfour, il faut être sur place à Khartoum et demander une autorisation supplémentaire. Comme journaliste étranger, c'est pas évident parce qu'il n'y en a pas de journalistes étrangers qui sont allés, sauf un journaliste du New York Times. Donc, il n'y a pas ni journaliste canadien, ni journaliste étranger d'ailleurs. Ça vous dit à quel point le territoire est hostile et que c'est pas conçu pour une couverture médiatique d'aucune manière. Et donc, on débarque là. Les autorités centrales finissent par, au bout d'une semaine d'attente, nous délivrer le laissez-passer. On débarque à El Fachir, donc la capitale, si on veut, une sorte de petit chef-lieu, c'est pas vraiment une ville, où sont installées les autorités locales du gouvernement central, mais donc les autorités provinciales, si vous voulez, territoriales, qui, eux, ne sont pas avisées de notre arrivée. On débarque là, et je vous la fais courte, là, mais il y a eu un imbroglio énorme. On nous a menacés, on a voulu nous expulser, on nous a accusés d'espionnage, on nous a interrogés. Finalement, on nous a déposés devant le quartier général des forces de l'Union africaine, justement, des soldats qui sont là. Et eux nous ont conduits chez Oxfam, l'unique ONG internationale qui était présente, qui nous ont accueillis dans leur petite installation, là, qui nous ont permis de travailler puisqu'ils avaient de l'électricité, un groupe électrogène qui nous permettait de faire fonctionner nos ordinateurs, nos téléphones satellitaires, etc., pour pouvoir alimenter nos reportages. C'est dans ce contexte-là qu'on s'est organisé pour se déplacer, donc, avec l'organisation humanitaire, l'ONG en question, ce qu'on ne fait jamais, ce qui contrevient un peu à nos règles, mais c'était l'unique façon parce que les routes, des pistes qui existent sur ce territoire à l'époque ne sont fréquentées que par les rebelles ou les troupes gouvernementales ou des groupes humanitaires. Ouais. C'est impossible de louer une voiture, c'est impossible de louer quoi que ce soit là-bas. Et lors de votre passage en 2005, vous allez très vite visiter des camps. On a parlé du nombre de déplacés assez impressionnant que va faire cette guerre. Vous visitez des camps de réfugiés, ce qui vous permet, en visitant ces camps-là, de vous rendre compte de l'horreur qu'a été cette guerre du Darfour. On écoute un extrait d'un de vos reportages diffusé à l'émission Dimanche Magazine en octobre 2005. Ce groupe de femmes est là depuis 20 jours. Elles ont tout perdu, leur maison, leur famille, leurs effets personnels. Elles portent des paquets de branches sur la tête, parfois des bébés au dos. Elles essaient de se construire des abris. Il n'y a pas de tente ici. Les plus chanceux vivent dans des huttes minuscules. Beaucoup dorment sous les arbres. Cette femme est arrivée à Zamzam il y a 2 jours. 5 de ses 6 enfants ont été tués sous ses yeux. Elle dit que ce sont les milices Janjaweed qui ont fait ça. Ils sont venus à cheval ou à dos de chameau. Ils ont tout détruit, puis ils sont partis. Et elle ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Elle ne comprend rien à cette guerre. Mais elle affirme que ces gens étaient des Arabes. Les milices sont venus à leurs villages. Ils ont tué leurs gens, ont looté leurs choses, ont les amenés ici. And they've killed the children. Yes. They killed the children. They killed the children. They have taken some of women, particularly the age 15. Les jeunes filles, elles, ont été enlevées. On ne les a pas revues. Le viol et l'esclavage sexuel sont courants ici. C'est une arme de guerre. Ce qu'on vient d'entendre, Sylvain Desjardins, ça nous donne une très bonne idée de ce qu'a été cette guerre-là. Parlez-nous davantage de ce que vous allez découvrir, de ce qu'on va vous dire dans ces camps de réfugiés. Bien, cet extrait est extrêmement bien choisi parce que c'est ça qu'on a entendu. C'est-à-dire qu'essentiellement, il y a des dizaines de milliers de personnes qui s'entassent dans des abris de fortune comme ça et qui nous racontent... Moi, j'ai parlé à des dizaines et des dizaines de femmes. Je voyais des groupes arriver pendant que j'étais là, toujours. Hein? Donc, ça veut dire qu'il y avait eu des attaques dans leur village. Ces gens arrivaient après 2-3 jours de marche, arrivaient dans ces camps. Et puis, elles nous racontaient toute la même chose. À peu de détails près, là, c'était toujours les mêmes horreurs. Des enfants tués, des femmes violées, voilà, etc. Et comme je vous disais au début, les gens ne comprennent pas pourquoi on s'attaque à eux. Ouais. C'est ça qui est le plus désarmant pour eux. Je suis allé aussi dans un autre camp, en fait, le plus gros camp qu'il y avait au Darfour, dans la région de Niala. Ça, c'est dans le sud du Darfour. Ça, c'est une ville. Et c'est encore pire parce que là, il y avait 80 000 personnes, moi, que j'ai vues, qui vivaient donc dans ces abris de fortune. Il n'y a pas des belles tentes alignées, là, comme dans les camps de l'ONU. Là. C'est pas ça les du tout. Les gens construisent eux-mêmes leur abri. N'importe quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, là... Ceux qui ont des armes pour se défendre les utilisent parfois tellement la vie est dure et que la survie est difficile pour même attaquer d'autres réfugiés comme eux. Pour insécurité dans le camp comme tel. Voilà. Ça, c'est votre premier passage. Vous voyez cette horreur en 2005. Vous retournez au Darfour à l'hiver 2007. Comment est-ce qu'on parle de la situation à ce moment-là avec ce que vous avez vu 2 ans plus tôt? Ouais, ben c'est difficile à imaginer, mais c'est pire encore. Ah ouais. C'est-à-dire que ça s'est complexifié. D'une part, quand on y était, il y avait 3 ou 4 groupes importants de rebelles sur le territoire, plus bon, qui affrontaient les troupes soudanaises et les Janjaweed, là. Là, on est rendu à une trentaine de groupes comme ça d'opposition. Ça s'est complexifié. Et aussi, la guerre s'est transportée un peu de manière régionale dans le Tchad voisin. Et donc là, le territoire à couvrir pour nous, puisqu'on a déjà couvert le reste, c'est d'aller dans l'ouest. Là où on ne pouvait pas aller en 2005, on finit par toutes sortes de moyens par se rendre, à trouver un avion pour se rendre dans l'ouest, près de la frontière du Tchad. Et là, c'est Médecins sans frontières qui est la seule organisation qui est encore présente dans tout le pays. Tous les autres ont quitté. Ces gens-là sont des courageux, c'est incroyable. Quand ils sortent en ville pour essayer d'aider les gens, souvent, ils se font attaquer. Il y a des milices, là, improvisées. On voit, quand on se promène dans la ville, on y est allé, nous, à Al-Janina, c'est le Far West. Il y a des pick-up avec des gens qui n'ont pas d'uniforme et qui ont des immenses fusils sur trépied, là, qu'on peut imaginer comme dans des films de fiction, qui sont présents et qui attaquent n'importe qui semble avoir un bien qui les intéresse. Donc, les groupes humanitaires, les gens de MSF sont attaqués, leurs véhicules sont volés, eux-mêmes se font battre. C'est épouvantable. Donc, ils n'arrivent même plus à faire leur travail. C'est eux qui nous hébergent et qui nous permettent de visiter un peu la ville et de comprendre ce qui se passe là. Et donc, le conflit s'est régionalisé au sens où les combats sont maintenant aussi de l'autre côté de la frontière au Tchad voisin parce que chacun de ces groupes au Darfour, a des cousins, si vous voulez, ou des groupes associés qui sont sur le territoire tchadien. Ça devient indirectement une guerre Tchad-Darfour, cette affaire-là. Exact. L'ONU va s'en mêler, mais ça va être long, en fait. Puis on va terminer l'émission en parlant un petit peu de la façon dont l'ONU va, et la communauté internationale vont réagir à cette crise-là. Il y a une force hybride, ONU-Union africaine, la MINUAD, qui va éventuellement être dépêchée sur le terrain en décembre 2007. Des accusations qui vont être portées devant la Cour pénale internationale. Mais vraiment, ce sera lent, ce sera compliqué. Et Louise Arbour, qui est alors haut commissaire pour les droits de l'homme aux Nations unies, nous dit pourquoi c'est si compliqué. Extrait de l'émission Des hôtels du 8 février 2007. C'est très compliqué comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire bouger les choses. Et cette fois-ci, là, disons-le bien, c'est pas parce que le Conseil de sécurité qu'on blâme tout le temps, souvent à juste titre, c'est pas parce que cette fois-ci, il n'y a rien fait. Le Conseil de sécurité a quand même passé une résolution demandant au gouvernement du Soudan d'accepter qu'il y ait une présence de à peu près 17 à 20 000 troupes onusiennes sur le terrain. Mais ils ne sont toujours pas là. Mais non, parce que le gouvernement du Soudan continue de maintenir que la présence de l'Union africaine, c'est suffisant. L'Union africaine elle-même est la première à reconnaître que 6 ou 7 000 soldats de l'Union africaine sur un territoire grand comme la France, là, comme on le répète tout le temps. Non armés, sans moyens de déplacement, oui, etc. Avec un mandat aussi très, très restreint. On vit encore dans un monde où la souveraineté des États, c'est le principe déterminant. Et le droit d'ingérence qu'on a invoqué en Europe, dans le cas du Kosovo, par exemple, mais est-ce qu'il n'y a pas une obligation, un jour, à un moment donné, d'intervenir? Mais ça, c'est la grande question politique qui se pose. Où est l'appétit et où est la justesse aussi? Quand on parle d'intervenir, il faut être très sérieux. Hein. Si un gouvernement ne veut pas se plier, on parle ultimement là, d'une intervention militaire. Mm-hmm. Dans les Balkans, l'intervention, ça a été l'intervention de l'OTAN. Donc, il y a une responsabilisation politique des membres de l'OTAN. Au Soudan, la question, c'est de se poser, est-ce que les Nations unies vont entrer en guerre contre un de leurs membres? Ça n'a jamais été ça, l'idée du militarisme aux Nations unies. Il n'y a pas de militarisme. Ce sont des troupes de maintien de la paix ou de construction de la paix. C'est ça, les casques bleus. Quand on c'est pas simple, Sylvain Legendre. Non, c'est pas simple. Et en plus, il y a un autre élément. Mme Harbour est éloquente sur tout ça, sur les rapports de force, mais il faut rajouter aussi le fait qu'au Conseil de sécurité, pour arriver à une décision, il faut qu'il y ait une unanimité. Et puis, qui va opposer son veto, la plupart du temps, c'est la Chine. Oui. Pourquoi? Parce que la Chine achète le pétrole soudanais et puis parce que le Soudan achète tous ses biens de la Chine, ce qui fait que tous ces embargos qui sont décrétés par l'Occident ou par le reste du globe a très peu d'effet. Et c'est ce qui fait que le président Omar el-Béchir continue à circuler, à narguer, à voyager même en Russie, en Syrie, à être accueilli et à narguer tout le monde, même si, grâce en fait à l'intervention de Mme Harbour, on finit par réclamer que ce monsieur soit convoqué à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Et là, ce qui va se passer, donc, c'est que finalement, en effet, il y a une force qui sera mise sur pied de 20 000 hommes, mais ça va se réduire très, très rapidement, très graduellement. Et puis, le conflit va persister quand même. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que quand même, ce pays-là, il y a eu un truc énorme. En 2011, il y a eu la séparation, l'indépendance du sud du Soudan. Et puis, il reste que, après coup, il y a eu une négociation des gens du Darfour avec le gouvernement central de Khartoum, dans lequel ils ont convenu qu'ils devaient, commencer, les troupes internationales devaient commencer à se retirer. Or, on sait maintenant que des violences continuent encore sur ce territoire et que s'il n'y a pas de force d'interposition, ce n'est pas les troupes soudanaises qui vont rassurer les gens qui ont vécu là, tant d'horreurs et qui ont encore peur de ces troupes du gouvernement. Même si on sait que le gouvernement d'El-Béchir a été renversé en 2019, l'année dernière, et que les dirigeants actuels du Soudan ont finalement accepté de livrer Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale, à La Haye, pour qu'il soit jugé. Mais reste, les tensions sur le terrain ne sont pas disparues pour autant. Puis non. Ça reste, je reviens à cette image très forte, mais cette espèce de no man's land, ce territoire oublié, et on les a oubliés, tout et ça fait. Continue de... Un territoire où il n'y a pas de route qui fasse le lien entre la capitale et l'ensemble du Darfour. Ça dit à quel point ce territoire est isolé et laissé, abandonné à son sort. Sylvain Desjardins, c'était passionnant, ce récit que vous nous avez fait de cette guerre du Darfour, journaliste à Radio-Canada. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.